Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette et Marie. Dai 14 wa. Si ça continue, je vais bientôt plus savoir distinguer ma droite de ma gauche. Je croyais que je pourrais trouver l'entrée de cet autre monde. Quand on trouve pas ce qu'on cherche, on ne s'endort pas paisiblement. On ne peut pas exclure cette possibilité. Il me semblait qu'en restant là-bas, j'allais finir par être abîmé au point qu'on ne pourrait plus me réparer. Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Quatorzième épisode. Elle va peut-être revenir. Je voudrais qu'elle revienne. Elle est là, assise sur la même chaise qu'hier. Les aiguilles fluorescentes du réveil indiquent un peu plus de 3 heures. Tu as beau écarquiller les yeux, tu ne parviens pas à distinguer ses traits. Mais cela ne fait aucun doute. C'est Mademoiselle Saiki quand elle était jeune. Elle semble plongée dans ses pensées, ou dans un rêve profond. Ou peut-être que cette jeune fille est le rêve profond de Mademoiselle Saiki. Elle regarde le tableau, Kafka au bord de la mer. Elle est perdue dans la contemplation du garçon sur la plage, un été de sa jeunesse. Tu es jaloux du garçon du tableau ? Elle reste une vingtaine de minutes, puis s'en va, comme hier. Elle se lève et se dirige pieds nus, sans faire de bruit, vers la porte à travers laquelle elle disparaît. Je me rends compte que je suis jaloux du garçon du tableau. Tu es jaloux d'un adolescent mort à 20 ans il y a 30 ans de ça. Si violemment jaloux que tu en suffoques. C'est la première fois de ta vie que tu éprouves un sentiment pareil. Maintenant, tu sais ce que c'est que la jalousie. Elle te brûle le cœur comme un feu dans la plaine. Elle me brûle le cœur comme un feu dans la plaine. Depuis ta naissance, tu n'as jamais envié personne. Tu n'as jamais désiré être un autre. Mais à présent, tu envies ce garçon du fond du cœur. Tu voudrais être lui. Je voudrais être lui. Tu voudrais devenir cet adolescent pour pouvoir aimer de tout ton cœur Mademoiselle Saiki pendant ces 5 années et être toi aussi aimé d'elle. Tu voudrais pouvoir la prendre dans tes bras. Je voudrais la prendre dans mes bras. Tu voudrais faire l'amour avec elle. Encore et encore. Je voudrais faire l'amour avec elle. Encore et encore. Toucher les moindres parcelles de son corps. Toucher les moindres parcelles de son corps. Et qu'elle touche le tien de la même façon. Et qu'elle touche le mien de la même façon. Et tu voudrais qu'après ta mort, le souvenir de votre amour reste gravé en elle pour toujours. Je voudrais que, chaque nuit, elle m'aime en souvenir. Oui, tu es dans une bien étrange situation. Amoureux d'un fantôme, jaloux d'un mort. Pourtant, tes sentiments sont plus intenses et plus douloureux que tous ceux que tu as pu éprouver jusqu'à présent. Il n'y a pas d'issue. Tu n'as pas la moindre chance d'en trouver une, car tu t'es égaré dans le labyrinthe du temps, et le plus grave, c'est que tu n'as aucun désir d'en sortir. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Hey, Hoshino. Hoshino. Mon petit Hoshino. Vous êtes... Oui, je suis le Colonel Sanders. Celui du Kentucky Fried Chicken? Exact. Ah, mais attendez, comment vous connaissez mon nom? Ta casquette. J'appelle toujours les fans de Trinity Dragons, Hoshino. C'est systématique. Oui, mais moi, je m'appelle vraiment Hoshino. Pure coïncidence. Je ne suis pour rien. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous me voulez au juste? J'ai des filles, pas mal. Ah, Je vois, un macro. Voilà pourquoi vous êtes habillé de la sorte. Je ne suis pas déguisé. Je suis le Colonel Sanders. C'est génial. Le destin veut qu'en ce moment, je n'arrête pas de rencontrer des vieux plus loufoques les uns que les autres. Si ça continue, je vais bientôt plus savoir distinguer ma droite de ma gauche. On s'en moque. Bon, alors mon petit Hoshino, tu veux une fille ou t'en veux pas? Colonel, je ne suis pas venu seul ici et demain on doit se lever tôt. J'ai pas le temps de m'amuser à des trucs farfelus toute la nuit. Ce soir, pas de fille, pas de poulet frit. Je rentre me coucher. Et tu crois que tu trouveras facilement le sommet? Quand on trouve pas ce qu'on cherche, on ne s'endort pas paisiblement. Ce qu'on cherche? C'est écrit sur ton visage, mon petit Hoshino. Tu ne chercherais pas un objet rond et dur par hasard? Écoutez, je cherche une pierre. Une pierre appelée la pierre de l'entrée. Ah, la pierre de l'entrée, je la connais bien. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. Et vous savez aussi où elle se trouve? Ma foi, oui, je le sais. Et vous pouvez me le dire? Tu vois, mon petit Hoshino, au fond de toi, tu veux une fille, n'est-ce pas? Si vous me répondez pour la pierre, je veux bien y réfléchir. Parfait. Suis-moi. Hé, colonel! Colonel! Je n'ai que 25 000 yens en poche. Ça suffira largement. Pour ce prix-là, tu auras une fille de 19 ans, belle, croquée. Avec toutes les options spéciales, 7e ciel, mon petit Hoshino. Lèche, lèche, frotte, frotte, crac, crac, toute la panoplie. Et en prime, je te dirai tout sur la pierre. Là, je suis scié. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. Le vent s'arrobe bleu nuage. Elle voit Kafka sur le rivage. Dites, Oshima-san, je peux vous poser une question vraiment absurde? Si tu veux. Je ne déteste pas l'absurdité. J'ai du mal à croire moi-même que je vais prononcer ces mots devant quelqu'un, mais serait-il possible que Mademoiselle Saiki soit ma mère? Et tu veux dire qu'après avoir quitté Takamatsu à l'âge de 20 ans, Mademoiselle Saiki serait partie, seule, quelque part, où elle aurait rencontré Monsieur Koichi Tamura, l'aurait épousée, aurait eu le bonheur de te mettre au monde, puis, au bout de 4 ans, pour des raisons qui nous échappent, elle aurait quitté le foyer conjugal en t'abandonnant. Et ensuite, après quelques années dont on ne sait rien, elle serait revenue dans son Shikoku natal. C'est bien ça. Oui. En toute logique, la possibilité existe, si faible soit-elle. On ne peut pas exclure cette possibilité. Parce que tu ne sais pas à quoi ressemble ta mère, ni comment elle s'appelle. Ou plutôt, disons qu'aucune base ne permet de rejeter cette hypothèse. Pour le moment. Et puis, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être ma mère. Un jour, tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Hé, hey, colonel, c'est encore loin? Nous y sommes presque. Dites voir, colonel. Quoi? Vous êtes vraiment le colonel Sanders? En fait, non. J'ai seulement emprunté son apparence. C'est bien ce que je pensais. Et qui êtes-vous, juste? J'ai pas de nom. J'ai jamais eu de nom, ni de forme d'ailleurs. Comme un paix, quoi. Oui, si tu veux. En effet. Comme j'ai pas de forme, je peux devenir tout ce que je veux. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre une forme facile à reconnaître, celle d'une icône de capitalisme. J'aurais bien pris Mickey, mais chez Disney, ils sont assez tatillons avec les droits de reproduction. J'ai pas envie de me retrouver avec un procès sur le dos. Il me semble que l'aspect du colonel Sanders convient bien à votre personnalité. Mais j'ai pas de personnalité. Pas de sentiment non plus. Je m'occupe seulement de mener à bien la mission que l'on m'a confiée. Je supervise. Je m'assure que toutes choses remplissent bien son rôle. Je vérifie les corrélations entre les différents mondes, afin que tout se déroule correctement. Je m'arrange pour que les conséquences viennent après la cause, que les significations ne se mélangent pas, que le passé arrive avant le présent, et le futur après le présent. Enfin, ce n'est pas gênant qu'il y ait un peu de confusion là-dedans, parce que le monde n'est pas parfait. Sache-le, mon petit Hoshino. Je ne saisis pas très bien. Si vous êtes une personne si importante, qu'est-ce qui vous oblige à faire le macro dans les bas quartiers de Takamatsu ? Si je fais le macro, c'est uniquement pour t'appâter, mon petit gars. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. Alors j'ai voulu t'offrir une petite récompense à l'avance, une sorte de rituel. Je ne dis pas, hein. Cette fille valait vraiment le déplacement. Vous avez besoin que je vous donne un coup de main? Écoute, je t'ai déjà dit que j'ai pas de substance. Et pour accomplir un acte réel, j'ai besoin de l'aide d'une substance réelle. Et la substance, en l'occurrence, c'est moi. T'as tout compris. Ouais. Les doigts de la jeune noyée cherchent les pierres de l'entrée, levant sa robe bleu nuage. Elle voit Kafka sur le rivage. Dis-moi, Kafka Tamura, tu ne te souviens pas du visage de ta mère? Non. Je sais pas pourquoi, dans ma mémoire, à la place de son visage, il y a une tache sombre, un vide. Peux-tu m'en dire un peu plus sur les raisons qui te font supposer que Mademoiselle Saeki pourrait être ta mère? Entre l'histoire de Mademoiselle Saeki et la mienne, il y a un tas de choses qui coïncident exactement. Elles s'emboîtent comme les pièces manquantes d'un puzzle. C'est en écoutant la chanson Kafka sur le rivage que je l'ai compris. Pour commencer, je suis venu jusqu'à cette bibliothèque comme si quelque chose m'y attirait. Le jour de mes 15 ans, je ferai une fugue, voyagerai jusqu'à une ville inconnue et lointaine, trouverai refuge dans une petite bibliothèque. J'ai fait le voyage presque directement de Nakano. C'est très étrange quand on y pense. Une vraie intrigue de tragédie grecque. Et puis, je suis amoureux d'elle. De Mademoiselle Saeki? Oui, je crois. Tu crois être amoureux d'elle? Oui. Et en même temps, tu continues de penser qu'elle pourrait être ta mère? Oui. Pour un adolescent de 15 ans, tu te charges d'un fardeau bien lourd. Et je ne dis pas que c'est mal. Juste que toute chose a ses limites. La pierre est là-dedans. Ouvre la porte. Pas question. On n'ouvre pas les portes des sanctuaires Shinto comme ça. C'est un coup à vous attirer une malédiction. T'inquiète. Je te dis que tu peux ouvrir cette porte. il n'y aura pas de malédiction. Pourquoi vous ne l'ouvrez pas vous-même alors? J'ai pas envie d'être mêlé à tout ça, moi. Décidément, tu es lent à la détente, mon garçon. Je viens de te le dire. Je ne peux rien faire tout seul. Vraiment, ça m'inspire rien de bon, votre histoire. C'est la pierre. Affirmative. Sors-la. Attendez voir, colonel. C'est du vol, ça. J'en assume toute la responsabilité. Aucune malédiction ne se battra sur toi. Je m'en porte garant. Alors, tu me la sors de là, cette pierre. Oh, elle est sacrément lourde. Et que voulez-vous que j'en fasse maintenant? Emporte-la chez toi et pose-la à ton chevet. Ensuite, il se passera ce qui se passera. Vous voulez que je porte cette pierre jusqu'à l'hôtel? Si c'est trop lourd, tu n'as qu'à prendre un taxi. Mais on a vraiment le droit de l'emporter. Écoute, mon petit Hoshino. Tout en ce monde est constamment en mouvement. Rien ne reste éternellement au même endroit, sous la même forme. L'univers lui-même est une sorte d'énorme service postal. Hein? Cette pierre est là, temporairement sous sa forme de pierre. Les cours de l'univers ne vont pas changer parce que tu l'aides à se déplacer un peu plus vite. Mais qu'a-t-elle de si important, cette pierre? Pour tout te dire, cette pierre n'a en elle-même aucune importance. Les circonstances exigent la participation d'un certain objet, et il se trouve qu'il s'agit de cette pierre. Mais elle n'est pas sacrée pour autant. Enroule la pierre dans ce tissu. Il vaut mieux que personne ne le voie. Ah! Vous voyez bien que c'est du vol! Ce n'est pas du vol. On l'emprunte juste un moment, dans un but très important. Il faut que je la garde à mon chevet, c'est ça? Oui, c'est tout ce que tu as à faire. Ne réfléchis pas trop. L'important, c'est que la pierre soit là où elle doit être, c'est tout. Je dois vous remercier pour m'avoir indiqué où elle était. Inutile de me remercier. Je fais juste ce que j'ai à faire. Je remplis ma mission, c'est tout. Mais cette fille, elle était bonne, hein, mon gaillard? Bonjour, mademoiselle Saiki. Voici votre café. Merci. Alors, tu t'es habitué à la vie ici? Je m'habitue peu à peu. Tu as un moment? Oui. Alors assieds-toi là. Quel âge as-tu déjà? 16 ans? En fait, j'ai 15 ans. Je viens de les avoir. Tu as fugué de chez toi? Oui. Tu avais de bonnes raisons de quitter la maison? Il me semblait qu'en restant là-bas, j'allais finir par être abîmé au point qu'on ne pourrait plus me réparer. Abîmé? Oui. Je trouve étrange qu'un garçon de ton âge emploie cette expression. Cela m'intrigue. Qu'entends-tu par être abîmé? Je cherche mes mots. Je cherche le garçon nommé Corbeau, mais je ne le trouve nulle part. Je veux dire que je risquerais d'être transformé en ce que je veux pas être. Mais avec le temps, tout le monde finit tôt ou tard abîmé et transformé. Si cela doit arriver un jour, il est d'autant plus nécessaire d'avoir un endroit où ça vaille la peine de retourner. Tu dis des choses très sensées pour un garçon d'à peine 15 ans. Moi, quand j'avais 15 ans, je voulais partir pour un autre monde. Un monde où rien ne pourrait m'atteindre et où le temps serait immobile. Mais un tel endroit n'existe pas. C'est vrai. Voilà pourquoi je vis ainsi, dans ce monde où les choses s'abîment, où les cœurs changent, où le temps s'écoule. Tout en ce monde est constamment en mouvement. Rien ne reste éternellement au même endroit, sous la même forme. Mais quand j'avais 15 ans, je croyais qu'il existait un endroit de ce genre, quelque part dans le monde. Je cherche la jeune fille de 15 ans en elle. Je croyais que je pourrais trouver l'entrée de cet autre monde. Je la trouve tout de suite. Elle est cachée dans la forêt de son cœur, comme une image en trompe-l'œil. Elle est là, endormie. Vous vous sentiez seule, Mademoiselle Saïti, quand vous aviez 15 ans? En un sens, oui. Je n'étais pas isolée, mais je me sentais très seule. Parce que je savais que je ne pourrais jamais être plus heureuse qu'alors. Je le savais clairement. Voilà pourquoi je voulais trouver l'entrée d'un endroit où le temps serait figé, où je pourrais rester éternellement celle que j'étais alors. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. Le vent sa robe bleu nuage. J'aimerais vieillir le plus vite possible. Tu es sans doute plus fort que je ne l'étais. Moi, à ton âge, je vivais dans l'illusion que l'on pouvait fuir la réalité. Mais toi, tu l'affrontes. Tu te bats contre elle. Kafka, au bord de la mer. Je vais devenir le garçon de 15 ans le plus courageux au monde. Sur le rivage. Tu sais, tu me fais penser à un garçon de 15 ans que j'ai connu. Je lui ressemble. Kafka, au bord de la mer, rêve au monde à ses rouages. Kafka sur le rivage, de Haruki Murakami. Traduction, Corinne Atlan. Adaptation, Juliette Eman. 14e épisode. Avec Igor Menjiski, Kafka. Axel Boguslavski, Nakata. Jonathan Cohen, Oshino. Juliette Plumcock-Mesh, Oshima. Anne Alvaro, Mademoiselle Saiki. Geoffrey Carré, le colonel Sanders. Et les voix d'Arthur Ribaud, Philippe Magnan, Oja Lorca. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Chant, Oja Lorca. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissans. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.